Savoir se déplacer en Meurthe-et-Moselle favorise votre insertion. C'est pourquoi le département de Meurthe-et-Moselle vous aide à trouver des solutions de mobilité. Vous êtes allocataire du RSA, en recherche d'emploi ou jeune en parcours d'insertion, le département vous propose un accompagnement individuel à la mobilité. Pour les personnes du territoire du Grand Nancy, du bassin de Pompée et de Seille et Grand Couronné, ainsi que du territoire Terre de Lorraine, prenez contact avec l'association Imagine Ulysse par mail à imagine.formation@ulysse.fr ou avec un conseiller mobilité par téléphone au 07 86 78 89 55. Pour les personnes du territoire de Lunéville, prenez contact avec Inès au 03 83 89 98 06.